C'est vrai qu'il y a plusieurs, ouais. Il y a plusieurs niveaux de relations que, ouais. qu'on a envie aussi d'explorer au sein de ce séminaire, évidemment, ouais. à une échelle internationale. La relation des collectifs vidéo, quand même, avec les collectifs de cinéma militants, on l'a un peu évoqué, mais c'est pas encore. Enfin, c'est quelque chose qu'il va falloir approfondir, je pense, à travers justement le parcours de Jean-Paul Fargier, de Cinétique vers les Sans Fleurs. Il y a des choses à dire, on pourra y revenir d'ailleurs le mois prochain également. Et puis, les relations entre. Enfin, vos collaborations, vos aides mutuelles entre groupes, et justement par le biais technique. Et puis, par exemple, aussi, vous avez tourné les uns pour les autres. Jean-François, notamment, a tourné pour Paul et Carole Roussopoulos une bande vidéo qui est l'enterrement de Mahmoud Alamchari en 73. Vous-même, entre vous, vous aviez... Il y a plusieurs... Comment dire, il y a des interconnexions multiples à des niveaux très divers. Ah oui, il y a des gens qui sont venus tourner. Ça circulait, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre, je crois. Mais pour revenir sur la technique et les premières bandes, parce que là, du coup, on n'a parlé que du phare, mais est-ce que vous, à cette vidéo, vous pouvez peut-être parler de vos premières bandes et aussi de la façon dont vous vous êtes initié à la vidéo, des problèmes techniques que vous avez pu rencontrer, notamment vous aviez parlé, ce serait intéressant que vous le redisiez là, d'un incident technique lors de votre premier tournage. Oui. C'était la fin de l'autre. Ah oui. Bon. Le premier tournage, c'était parce qu'un professeur de collège qui s'appelait Jean-Louis Wurst est venu à Sloan, qui était cette coopérative de films militants, pour demander si on ne pouvait pas faire un film sur ce qui se passait dans son école. Et son école, c'était des gamins de 6e qui faisaient une enquête sur le procès de Clairvaux, une contre-enquête qui avait fait plein de choses. Procès de Clairvaux, ça a été les deux derniers guillotinés du règne de Pompidou, je ne sais pas si vous le savez. Et les enfants étaient très, très pour, si c'était des assassins, il fallait les pendre. Donc, il était intervenu pour essayer de leur demander de réfléchir et d'enquêter et de vérifier. Et au bout d'un certain temps dans leur année scolaire, ils avaient constitué un petit groupe de travail qui faisait même le contre-procès de Clairvaux, c'est-à-dire qu'ils s'étaient institués entre juges, avocats, détenus, etc. Ils rejouaient la chose. Ayant beaucoup réfléchi à la question, et nous, on était tout d'un coup chargés de filmer ce procès qu'ils reconstituaient en classe et qui était un cours de français pour eux. Et c'était la première fois qu'on utilisait notre caméra vidéo qu'on avait achetée pour 6000 francs, je précise, d'occasion chez Samuel Sonaga. Mais comme c'était en longueur et qu'on avait très peu de batterie, on s'est dit on va mettre un petit appareil pour remplacer la batterie, et on a eu la stupide idée de brancher ça sur un chargeur ou un je sais pas quoi. Un transformateur de train électrique. Oui, et la caméra a pris feu. Donc on a dû recommencer une autre fois avec ayant réparé la caméra. Et c'était moi toute seule d'ailleurs qui ai tourné, ce qui était assez mauvais. Mais on a quand même fait le montage de ce film. Ça a engagé après un autre film avec les gosses dans leur bidonville. Ça a créé plein de problèmes politiques. On a créé le mouvement de libération de l'école. Enfin, ça a déclenché des choses assez curieuses parce que la politique à l'époque était très sensible. Là, c'était pas à ce tournage-là, c'était juste après. Oui, ça, c'était justement, vous voyez, la bande, j'étais en train de la charger, de la changer. Et c'est quel appareil C'était le 2100, le 2004, c'est-à-dire la génération avant celle-là, qui ne se relisait pas. C'était deux fois plus petit, très léger. C'était pas plus léger. C'était 2004 ou pas 2004? Le 2004, c'est celui de maison. Non, 2100, la maison. Le 2100, pardon. C'est celui de studio, enfin de maison, qui permettait de relire ce qu'on enregistrait sur le 2004. Celui-là, que j'avais sur le dos là, on ne pouvait pas relire. C'est la version grise. Vous aviez besoin d'avoir deux... Oui, un lecteur. Un enregistreur. Et un enregistreur que j'avais sur un porte-bébé. Mais le 2004, il était très léger, parce que le tournage des obsèques de Hamchari, j'avais emprunté suite Carole, j'avais la caméra d'une main et j'avais l'enregistreur en bandoulière sur l'épaule gauche, donc ça marchait très bien. Enfin, j'aurais pas pu avec ça. Plus léger que ça. On va voir justement donc les images que Jean-François a tournées au moment de l'enterrement de Mahmoud Alam Chari. On va voir le début, comme ça tu pourras nous rappeler aussi le contexte du tournage. On est en janvier 73. Le premier. Donc en janvier 73, on n'avait pas encore le premier. Il faut augmenter au maximum. Non, tu peux l'augmenter sur la balise. Alors, c'était quoi cet intérêt? J'étais un mandat. Un mandat de charrette. Des représentants démocrates et révolutionnaires français, nous venons ici, dans le cimetière musulman de la banlieue parisienne, pour rendre hommage à notre camarade et frère Mahmoud Abchari, assassiné par les services israéliens sur l'ordre de Golda Meir et du gouvernement de Tel Aviv. Militant du soutien à la révolution palestinienne, nous saluons le souvenir de Mahmoud Abchari. Nous mesurons l'importance de son action à la haine que lui portent nos ennemis communs au-delà même de la mort. Tu t'es vu passer, Paul ? Il a dit café ? Non. Tu t'es vu passer ? Ah oui, oui, oui. Ah, moi, je donne café. Non, non, j'ai. Tu mets café ? Non, je suis content. Est-ce que tu veux compléter un peu sur les conditions de tournage ou est-ce qu'on passe la parole à la salle, puisqu'on peut déborder un petit peu de 20h exceptionnellement aujourd'hui ? Qu'est-ce que les conditions de tournage ? Non, est-ce que tu veux parler davantage ou est-ce qu'on parle... Oh, non, bah,